Salman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 21 février 2020. Voici les grands titres de cette édition. L'Organisation des Nations Unies lance un plaidoyer pour la libération de nos confrères du groupe de presse Iwachu. Des experts onusiens réunis ce jeudi à Genève ont considéré que l'incarcération de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana entache la liberté d'information. Et une femme a été tuée la nuit de ce jeudi à vendredi à Ruziba, dans la zone urbaine de Kanyosha. Mais le mobile du meurtre reste jusqu'ici inconnu. La ministre de la Justice a déclaré que la fonction de ministre est incompatible avec l'exercice de toute autre activité à caractère commercial. C'était hier devant les députés. Et en actualité internationale, le président sénégalais Macky Sall a lancé hier dans la nouvelle ville de Diamanadio, près de Dakar, les travaux de construction d'un stade de 50 000 places. Il s'agit de l'une des infrastructures devant accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022, prévus pour la première fois en Afrique. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Rebonjour. La Confédération nationale des associations des caféiculteurs se dit à moitié satisfaite du prix du café qui vient de passer de 500 à 550 francs burundais. C'est du moins les propos du secrétaire exécutif de cette confédération, Dismas Arimenshi, estime néanmoins que ce prix restait faible par rapport aux efforts fournis par les caféiculteurs et demande au gouvernement de le revoir à la hausse pour améliorer les conditions de vie de ces caféiculteurs. Suivez-le au micro de Richard Niyonkuru. Au niveau de la Confédération nationale des associations des caféiculteurs, on ne pourrait pas dire d'emblée que les producteurs sont satisfaits du prix. Si vous avez suivi, à travers les réactions des producteurs de la localité, on a procédé au lancement officiel de la campagne. Vous avez appris que les producteurs disent que le prix reste faible par rapport aux efforts fournis dans cette culture du café. Donc, au niveau de la Confédération, on a la même appréciation. On salue d'abord le pas franchi par le gouvernement de passer le prix du café cerise de 500 francs à 550, mais nous disons que nous attendons toujours une amélioration pour que le producteur soit satisfait par rapport aux efforts fournis dans la production du café. Justement, les producteurs du café vont jusqu'à dire que le prix du café se voit inférieur par rapport à celui des arachides. Est-ce que ces producteurs ont raison de le dire ainsi? Bon, je ne pourrais pas dire directement qu'ils ont raison, mais ce que je peux dire, c'est que pour pouvoir comparer les prix de certains produits, il faut d'abord une même référence. Si on dit que un kilo d'arachide coûte 3500 francs, c'est un kilo de l'arachide sec. Mais si on compare le prix du café cerise, c'est du café qu'on vient de récolter fraîchement dans les champs. Si on fait une extrapolation par rapport au café, je dirais parche, qui est sec, on pourrait dire que un kilo de café c'est revient de 5 kilos de café cerise. C'est pour dire que si on fait des comparaisons, le prix du café serait d'un kilo serait de 2750 comparé à celui de l'arachide. Vous voyez que ça reste toujours inférieur, même si on fait une même référence d'un kilo de l'arachide et d'un kilo du café sec. Donc, les producteurs, ce qu'ils disent est toujours vrai si on compare les prix de certains produits agricoles. C'est pour cette raison qu'ils disent qu'ils demandent que le prix soit revu toujours à la hausse. Aujourd'hui, comparativement à d'autres produits, disons, à exporter, quelles stratégies devraient être appliquées pour que les conditions des producteurs du café soient plus ou moins améliorées? Ce qu'on pourrait demander à l'État, c'est de pouvoir se pencher sur la recherche de la qualité au niveau de la collecte, au niveau de la transformation, pour pouvoir mettre sur le marché international un produit de qualité susceptible de ramener plus de valeur, c'est-à-dire ce type d'amener plus d'argent. Et donc, cela pourra permettre au gouvernement de donner un prix qui est meilleur, peut motiver le producteur comme promis au cours du lancement. C'était Dismas Arimenshi, secrétaire exécutif de la Confédération nationale des associations des caféiculteurs au Burundi. Je venais de vous le dire dans les titres, l'Organisation des Nations Unies critique l'emprisonnement des quatre journalistes du groupe de presse Iwachu dans une rencontre tenue ce jeudi à Genève au siège du Conseil onusien des droits de l'homme. Les experts indépendants de l'ONU sur les droits de l'homme ont plaidé pour la libération de nos quatre confrères en cette période où le Burundi chemine vers les élections. Ils considèrent que l'incarcération de ces journalistes rétrécit la liberté d'information. Elie Nibel Nibigira. Selon le communiqué des experts onusiens sur les droits de l'homme, la condamnation de Christine Kamikadze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana s'inscrit dans un contexte de rétrécissement démocratique, du moins, suivant les informations que détient cette équipe d'experts qui dit être vivement préoccupée par cette situation. David Kay et Marcel Faust, experts de l'ONU, trouvent que le procès engagé contre nos quatre confrères a été entaché d'irrégularité. Pour ceux, et selon toujours l'ONU, leur condamnation est inacceptable. Ils disent, je cite, « Les journalistes doivent pouvoir exercer leur travail de manière indépendante et doivent pouvoir accéder aux sources d'informations. » Fin de citation. Rappel, les experts onusiens. L'ONU dénonce le fait que ces journalistes ont passé plusieurs jours en prison sans base légale et ont été accusés par après d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces experts notent que les condamnations de ces journalistes ont été prononcées à l'issue d'une procédure qui, selon eux, ne semble pas respecter les garanties du droit à un procès équitable. L'équipe d'experts rappelle à cet effet que l'infraction de ces journalistes a été requalifiée sans que la défense ait le temps de se défendre pour cette nouvelle accusation selon des informations à la disposition de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies demande par conséquent que ces journalistes soient relâchés. Les quatre journalistes du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés le 22 octobre 2019 en commune de Musigati de la province de Bubanza alors qu'ils se rendaient en reportage sur l'insécurité qui prévalait dans cette localité. Ils ont été condamnés le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bubanza à 2 ans et demi de prison ainsi qu'une amende d'un million de nos francs chacun. Elie Nibel Nibigira. Et la nommée Consolata Habyarimana du quartier Ruziba en zone urbaine de Kanyosha a été tuée par balle la nuit de ce jeudi à vendredi. Sa famille ainsi que ses voisins affirment que cette personne vivait en harmonie avec les autres et demande aux instances habilitées de mener des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ce crime. Adrien Dimurukundo. Ce sont certains des voisins du fait Consolata Habyarimana assassiné dans la nuit de ce jeudi par des malfaiteurs non encore identifiés dans le quartier Ruziba de la zone Kanyosha. Certains habitants proches de la défunte nous parlent du déroulement de cet incident. C'était aux environs de 20h. Nous avons entendu deux coups de feu. Nous sommes rendus sur le lien. La personne était déjà morte et le criminel avait déjà pris la fuite. Nous demandons aux instances habilitées de mener des enquêtes en fait d'identifier ces malfaiteurs. Nous avons entendu des coups de feu. Après, nous sommes sortis pour aller voir ce qui se passe comme des voisins et nous avons vu son cadavre par terre. Peut-être que ce sont des gens qui l'ont poursuivi et que dès qu'elle était devant sa porte, ils l'ont tiré dessus. Nous sommes contre ces actes ignobles. Quand les hommes meurent sans savoir les mobiles. Ezekiel Mongela, un des frères de la défunte, dit qu'elle est entretenue de bonnes relations avec les autres. Le chef de la cellule Kizingwe, Jean-Claude Ndaisenga, dit qu'il s'est rendu sur le lieu accompagné par les forces de l'ordre, mais que les malfaiteurs se sont échappés. Nous avons entendu des coups de feu et nous nous sommes arrivés sur le lieu avec les forces de l'ordre et nous nous sommes enquêtés auprès de la population. Les malfaiteurs étaient déjà partis. Jean-Claude Ndaisenga demande le renforcement de la sécurité dans cette localité. Consolata Habyarimana est morte à l'âge de 48 ans et laisse derrière elle une fille de 15 ans. Adrien Dimurukundo. Et dans le but de faciliter l'octroi de l'extrait du casier judiciaire, le ministère de la Sécurité publique, par le biais de son porte-parole, Pierre Ngurikiye, informe que ce document est maintenant disponible et téléchargeable en ligne. Téléchargeable. Et donc, il faut compléter toutes les informations nécessaires et le télécharger afin de le déposer au commissariat de la police judiciaire pour signature. Suivez les précisions de Pierre Ngurikiye. Dans le souci de faciliter les demandeurs des prestations de services, particulièrement les requérants, des extraits du casier judiciaire, le ministère de la Sécurité publique a décidé de mettre en ligne l'extrait du casier judiciaire, le formulaire. Maintenant donc, celui qui veut se procurer de ce document est invité à visiter le site du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, qui est www.sécuritépublique.gov.bi. Et quand la page s'ouvre, il va mettre la phrase extrait du casier judiciaire et puis il va cliquer et il va avoir le formulaire. Il est à la fois en français et il y a aussi une version anglaise. Et il va alors compléter le formulaire en ligne et après avoir complété en mettant tout ce qui est demandé, il va imprimer le formulaire puis signer et puis il va venir ici au commissariat général de la police judiciaire simplement pour la signature. Mais il faudra qu'il vienne avec un dossier et qu'il comprend ce formulaire déjà complété et signé par lui-même avec une photocopie de la carte nationale d'identité, une quittance de l'OBR qui atteste qu'il a payé les 1000 francs par copie qui sont exigés au niveau de l'OBR et puis il faudra aussi qu'il soit ministre d'une photo passeport. Alors, le tout dans une farde. Et puis, il va mettre sur la farde le motif de la demande. Ça peut être pour des raisons politiques, ceux qui veulent se faire lire. Ou alors, ça peut être des demandeurs d'emploi. Ou alors, des gens qui veulent se procurer des visas pour l'international. Le motif, il faut le mettre au niveau de la farde. Et puis, venir avec tout ce dossier ici au niveau du commissariat général de la police judiciaire, simplement pour la signature. Également dans le but de faciliter ces demandeurs qui sont maintenant très nombreux ici, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes a décidé de travailler même les jours fériés, le week-end et précisément le samedi, seulement le samedi à partir de 9h. Et toujours dans l'actualité nationale, la langue maternelle est un tremplin pour le développement durable du fait qu'elle est comprise par toute la nation dans une déclaration du ministère de la Culture lors de la journée internationale dédiée à la langue maternelle célébrée chaque 21 février. Alain Patrick Mutheto, directeur du Centre Burundais pour la lecture et l'animation culturelle, a fait savoir que pour valoriser la langue maternelle, tous les ateliers sont animés en Kirundi. Et des parlementaires ont des inquiétudes en rapport avec les modalités de retrait du passeport diplomatique à une autorité, alors que d'autres se posent toujours des questions sur l'incompatibilité de l'exercice du commerce avec le statut de membre du gouvernement. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a donné ce jeudi des éclairages sur toutes ces questions devant les parlementaires. C'était lors de l'explication du projet de loi fixant les régimes des indemnités et avantages du vice-président de la République, du Premier ministre. On y reviendra dans notre édition de la soirée. Et en actualité internationale, avant la chronique environnement, comme tous les vendredis, au Rwanda, la mort de Kizito Mihigo soulève beaucoup de questions. Selon les autorités, le chanteur de gospel rwandais arrêté jeudi dernier et retrouvé mort dans sa cellule lundi, se serait suicidé. Selon le site de RFI, plusieurs organisations dont Human Rights Watch ont déjà réclamé au gouvernement rwandais une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce décès jugé douteux. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 février, Human Rights Watch émet des doutes sur la version des faits et rappelle que la disparition de Kizito n'est pas un cas isolé au Rwanda. Et le président sénégalais Macky Sall a lancé le 20 février dans la nouvelle ville de Diamandio, près de Dakar, les travaux de construction d'un stade de 50 000 places. D'un coût de 238 millions d'euros, il s'agit de l'une des infrastructures devant accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022, prévus pour la première fois en Afrique. Étaient présents à la cérémonie des membres du gouvernement et de personnalités du sport, comme l'ex-footballeur international sénégalais El Hadj Diouf ou Fatma Samba Diouf Samoura, secrétaire général de la FIFA. Et le Premier ministre du Lesotho Thomas Tabané, comparé ce vendredi 21 février devant la justice et d'après la police, son sort est déjà fixé. Il va être officiellement inculpé pour le meurtre de sa précédente épouse. Et cela faisait 2 ans que l'enquête piétinait. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a annoncé jeudi qu'il quitterait ses fonctions d'ici à fin juillet. Son parti, l'ABC All Basotho Convention, fatigué par cette affaire, avait d'ailleurs frappé du poing sur la table en début de semaine, en lui donnant jusqu'au 20 février pour démissionner en ultimatum qu'il n'a donc pas respecté. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'administration devrait s'impliquer dans le respect du code de l'environnement, ce qui est de la coupure des arbres. L'environnementaliste Albert Mbonerané explique que le code de l'environnement est précis en ce domaine. Selon lui, toute commune devrait avoir son propre domaine de reforestation dans le but de promouvoir cette protection de l'environnement. Yvette Nijimbere. Les arbres hors forêt qui sont plantés dans les propriétés des particuliers sont à usage d'intérêt général. Selon l'environnementaliste Albert Mbonerané, la loi est précise en ce qui est du boisement. Il est dit que si on veut faire un boisement sur une superficie peut-être qui va au-delà d'un demi-hectare, dans ce cas-là, on doit aviser le ministre en charge de l'environnement. Et c'est le ministre qui fixe alors cette propriété par ordonnance. Albert Mbonerané signifie que le gouvernement a droit de sanctionner ceux qui coupent les arbres sans autorisation du ministère de l'Environnement. Une fois que vous avez planté des arbres sur votre propriété avec ordonnance du ministre en charge de l'Environnement, c'est-à-dire que vous êtes soumis à certaines conditions au niveau du droit d'usage. Donc vous ne pouvez plus aller couper ce boisement sans avoir l'accord du ministre en charge de l'Environnement. Ce spécialiste en environnement nous parle de l'impact que le boisement a sur la vie des êtres humains. Si on a besoin d'avoir de l'air frais, etc., on va le trouver où il y a de climatiseurs dans la nature. C'est l'arbre qui devrait réguler tout ça. Imaginez-vous que vous avez planté des arbres sur votre sol, votre propriété, mais sur une pente. Alors, vous dites maintenant, c'est le moment d'exploiter cette plantation. Je vais couper peut-être pour produire le charbon, etc. Vous rasez tout. Demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir de l'érosion. Alors, s'il y a de l'érosion, c'est la terre qui est détruite. Et ça va avoir des impacts sur les cours d'eau, bien sûr, les terrains des voisins. L'environnementaliste Albert Mbonerané conseille à tout un chacun d'être responsable dans la protection de l'environnement. Nous ne faisons que cultiver, et là, c'est pas bon. Il faut combiner les deux, cultiver et garder, donc exploiter et puis protéger. Mais aujourd'hui, toute la destruction, c'est lié à qui? À l'action de la personne humaine. Je cherche seulement mon intérêt immédiat. Je ne pense pas à l'avenir de générations. C'est ça le dommage. Pour lui, la question de la protection de l'environnement devrait être une préoccupation des autorités à la base pour que chaque commune puisse avoir sa propre forêt. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la question de l'environnement n'est pas une priorité. Sinon, si tous les chefs de zone, si tous les administrateurs, et puis je monte au gouverneur, étaient conscients que si nous ne protégeons pas l'environnement, si nous ne protégeons pas ces forêts, ces boisements, demain nous allons connaître des catastrophes. Là, on devrait se ressaisir pour dire que devons-nous faire. Albert Mbonerané rappelle que si la flore n'est pas bien entretenue, la faune n'a pas lieu d'être car ses dés sont intimement liés. Qu'en est-il de la faune au Burundi? C'est dans notre prochaine chronique Environnement. Merci Yvette Nijimbele, le rendez-vous est pris. Et c'est sur cela que nous bouclons ce journal en rappelant que l'Organisation des Nations Unies lance un plaidoyer pour la libération de nos confrères du groupe de pression Wachu. Des experts onusiens réunis ce jeudi à Genève ont considéré que l'incarcération de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Muzinzi et Egide Harelimana entache la liberté d'information. Et une femme a été tuée la nuit de ce jeudi à vendredi à Ruziva, dans la zone urbaine de Kanyosha, mais les mobiles du meurtre restent jusqu'ici inconnus. Et en actualité internationale, le président sénégalais Macky Sall a lancé ce jeudi, dans la nouvelle ville de Diamandio, près de Dakar, les travaux de construction d'un stade de 50 000 places. Il s'agit de l'une des infrastructures devant accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022, prévus pour la première fois en Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Alphonse Koubrimana pour la mise en onde. Un très bon après-midi. Jean Bosco, Douimana.